quelle humeur est Guillermo Guiz? C'est la question qu'on se pose. Le voici, c'est maintenant dans la bande originale. Guillermo. Bravo Guillermo. Bah oui, merci, Guillermo. Ça fait plaisir cet enthousiasme. C'est bien, c'est fait. Bonjour les amis. Ah, vous me connaissez, je parle rarement de politique française. Tant mieux. Mais oui, mais ce week-end, j'ai eu la chance de croiser Arlette Chabot dans une boîte reggaeton. Non, mais c'est vrai, elle venait d'inventer un pas. Mais oui, attends, elle était là, elle avait inventé un pas. Et elle m'a dit, Ernesto, tu ferais bien d'écouter un peu plus France Info au lieu de parler de ton sgeg dans une chronique sur deux. Alors, vous me connaissez, une Arlette I Trust. Donc j'ai écouté France Info, ils me font marrer sur France Info, parce qu'il y a de l'info toute la journée, mais ils sont toujours obligés de te repréciser que c'est l'heure de l'info. Genre, il est 14h17, c'est l'heure de l'info sur France Info. Bah ouais, mon pote, pendant 14h23. Hein. C'est pas comme s'il y avait un suspense, c'est qu'à 14h39, il y aurait Donkey Diffoul, tu vois. Enfin, on a compris le concept. Bref, hier, j'étais pas au top et tout. La météo, ça me donnait envie de crever dans une bagnole de flic, et vraiment. Et sur France Info, j'ai entendu un truc qui m'a remis le moral. Par contre. Ah, voilà. Enfin. La ministre du Travail veut instaurer l'égalité salariale homme-femme à travail égal. Et je me suis dit, putain, il est pas trop tôt, quoi. On va enfin pouvoir gagner autant que Leïla. ça devenait intenable cette situation. C'est la reine de la cantoche, madame prend plat dessert. Nous, on a juste de quoi prendre plat gastro. Enfin, je veux dire, voilà, pas vrai, maréchal. Affirmatif. On est bien d'accord. Par contre, c'est pas pour tout de suite. Muriel Pénicaud espère que ce sera appliqué d'ici 2022. Et ça, franchement, je trouve que c'est un très beau signal. Quel beau peuple. Ça n'a jamais une décision à la légère. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Réfléchir encore un peu. Est-ce que finalement, c'est vraiment une si bonne idée, cette histoire d'égalité homme-femme? Enfin, c'est vrai. Je veux dire, c'est quand même les hommes qui ont inventé la flûte et le poulet tandoori. Alors, non, c'est vrai, dans cette optique, les 9% qu'on gagne en plus, c'est un dédommagement quelque part. Voilà, pour service rendu. Mais 4 ans, vous me connaissez, je suis pas Montesquieu, mais enfin intellectuellement, je suis plus proche de Philippe Candeloro, mais il y a un truc qui m'échappe. Quand même. J'ai l'impression que les relations homme-femme. Pourquoi 4 ans? Mais oui, j'ai l'impression que ça changeait plus vite les relations homme-femme. Regarde ce pauvre Tex, là il est en Sibérie, là. Chaque jour il y a des castors qui lui prennent son innocence. Tout ça pour une vanne de tonton dans un monde qui change. Mais une loi qui dirait au patron de France, tiens en fait, à poste égal, vous pouvez pas juste égaliser les salaires homme-femme, s'il vous plaît. Ah, merci, si vous n'êtes pas content, on vous envoie l'haleine de Daniel Morin. Enfin, cette loi, même moi je te la torche. Oh, même moi, je te la fait cet après-midi dans le Paris-Bruxelles avant Arras, elle est dans la boîte mail de Pénicaud. Enfin, y a pas de problème, je le fais, quoi. Mais non, mais c'est vrai, c'est si complexe que ça à appliquer. Après, je comprends rien à la politique française. Je pensais à ça hier en écoutant France Info. Puis, qu'est-ce qui se passe sur France Info? Boum, encore une info. Putain, ça n'arrête jamais, c'est un truc infernal, des infos. Jamais un concert unplugged de François Valéry. Enfin, tu demandes. Alors, j'ai entendu que deux députés vont remettre un rapport au gouvernement pour qu'on assouplisse les peines pour les usagers du cannabis. Et là, j'ai Jeanne Pernagui qui me fait: ah, les usagers de cannabis, bah tu me réveilles si tu parles de cocaïne. Je t'en prie, ça va pas, non? Et donc, ils veulent des amendes systématiques. C'est gratuit. C'est gratuit. 80 euros le gramme. Je te parle de la vanne. Ah, pardon. Et donc, ils veulent des amendes systématiques et plus des peines de prison. D'où ma question, quand même: quand est-ce qu'on va arrêter enfin de casser les couilles aux fumeurs de joint pour se consacrer au vrai problème, les fumeurs de cigarios? Je dis pas que je suis favorable à la peine de mort pour les fumeurs de cigarios. Je dis juste qu'en Corée du Nord, on a moins de tabous qu'en France. Voilà. Et c'est vrai quand même. Là encore, il y a un problème de tempo. En Californie, fumer des joints, c'est obligatoire dans les écoles primaires là maintenant. Et ici, on se demande encore quelle est la meilleure façon de punir les gens. Enfin, c'est vrai quoi. Il y a 17 millions de Français qui ont avoué qu'ils avaient déjà fumé un joint. 17 millions. Et ça, c'est encore les Français qui n'ont pas de problème à évoquer leur conso quand un sondeur qui connaissent de nulle part les appelle pour dire: tiens, question 6, vous fumez de la beuh? Bah ouais, évidemment. On ne parle même pas des prudes et des mystérieux, quoi. C'est vrai quand même. C'est incroyable. Il y a encore plus de monde. Enfin, voilà, je comprendrais jamais rien à la politique française. Semaine prochaine, je reparle de mon zig. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Caro Guiz. La bande originale, Nagui, sur France Inter.